Salut, moi c'est Bruno. Bruno optimiste. Eh oui, je positive tout. Par exemple, si les freins de ma voiture sont usés, je dis super. Et si mes pneus sont aussi usés, je dis trop super. Car en ce moment, chez Citroën, jusqu'à 320 euros de carburant sont offerts sur une sélection de prestations. Donc, plus j'entretiens ma voiture chez Citroën, et plus je fais de plein de super. Bref, super. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre réservée aux particuliers, valable sur des travaux réalisés du 1er septembre au 31 octobre 2018 dans le réseau Citroën France participant. Détails sur citroën.fr. Et il est 7h12, l'heure Nikos de retrouver Martin Fenot quelque part en France. Notre reporter qui, quotidiennement, nous emmène sur le terrain en immersion au plus près de votre actualité. Alors où êtes-vous tous ce matin, Martin ? Eh bien, je suis à Lyon, devant la vitrine d'un magasin d'une des marques d'ordinateurs les plus connues au monde. C'est là que travaille un informaticien un peu particulier, il s'appelle Guillaume Roudier, ou plutôt Père Roudier, vous m'avez bien entendu, ce salarié du numérique, c'est un prêtre. J'ai été envoyé comme prêtre dans le continent numérique, c'est mon terrain de mission, pour mettre les mains dans la pâte, hein, dans la technologie. C'est vrai que c'est un monde, un continent sans frontières, mais c'est un continent qui nécessite aussi peut-être de s'y intéresser, c'est pour ça que l'église et que mon évêque m'y a envoyé. Mes collègues sont aujourd'hui pour la plupart au courant que je suis prêtre. Mon but c'est de venir à la rencontre de mes collègues, de partager mon quotidien comme eux, témoigner de ce qui m'anime, moi, dans mon ministère de l'évangile, sans être là pour les convertir, mais plutôt pour entendre ce qu'eux ont à dire, et aussi de ce que je peux finalement rendre compte de ce quotidien-là auprès de l'Église. C'est un aller et un retour. Donc, sous ma tenue professionnelle, je suis prêtre aussi. Oui, donc il n'est pas là pour faire du prosélytisme, c'est un prêtre geek, mais ça doit lui demander une certaine organisation, ce prêtre Martin, parce qu'en même temps, il continue à célébrer la messe, j'imagine ? Bien sûr, c'est du 7 jours sur 7 le soir, après le travail, il retrouve les membres de sa communauté. Le week-end, des heures sup. Il est à l'église, exactement. Alors je l'ai suivi sur place, cela fait 3 ans qu'il partage comme ça sa vie entre la paroisse et le bureau. Et au-delà de sa mission, même si c'est contraignant, ça lui apporte aussi un certain équilibre personnel. L'activité professionnelle me permet aujourd'hui, et avec beaucoup de joie, de lier des amitiés. J'ai des collègues avec qui on s'entend particulièrement bien. On est heureux de pouvoir partager un repas, de réfléchir ensemble justement, précisément, sur les questions du numérique. C'est un équilibre affectif global. C'est vrai que je suis célibataire, c'est ce à quoi je me suis engagé, de vivre une relation aussi privilégiée au Christ, de pouvoir joindre à la fois une activité professionnelle et une vie d'église. C'est une manière de pouvoir dire que ma disponibilité, je la consacre à tous. Voilà, sa conviction personnelle, religieuse, son engagement et en même temps, le quotidien, le travail, pas de RTT. Est-ce qu'il y a beaucoup de prêtres comme lui, Martin, qui ont un emploi en plus de leur mission ? Ils sont minoritaires, hein, quelques centaines en France. Il y a des maçons, des ouvriers, des enseignants. Figurez-vous que dans l'église de Père Roudier, un autre prêtre travaille, il est facteur ici à Lyon. Et sachez qu'en ce qui concerne leur salaire, ils ne gardent que ce qui leur est nécessaire. Le reste est notamment versé dans les caisses de la paroisse. Merci Martin Fenot pour cette rencontre étonnante et très atypique avec le Père Roudier, prêtre et informaticien. Vous êtes tous ce matin, c'est tous les jours à 7h12. Europe 1.